chanson révolutionnaire pour tout ce qu'on appelle mon père. Les curés. Je me mets pas souvent en colère, alors qu'importe le style, la manière. Écœuré. De voir des gamins sans défense, agressés dans leur innocence, par un salaud caché derrière une image, une croix, des prières. Très vite, les enfants grandissent, à jamais leur vie restera un supplice. Un jour, il y en a un qui parle, et là, mon Dieu, c'est un scandale, c'est infernal. Mais ce corps à corps obligé, en lui toujours reste gravé. Puisse ce geste être impardonnable, je vous en prie, jugez coupable. Dans leur bel habit du dimanche, tous ces copains en robe blanche le défendent. Moi, ça m'a toujours fait bondir, se déguiser en faux abbé. C'est indécent. Et même devant un tribunal, son geste leur paraîtra banal. Un peu plus qu'une histoire de cul, c'est l'église qu'ils ont fait cocu. Devant une telle inconscience, il faudra trouver en bon sens une solution. Ouvrir la porte des couvents, les éparpiller à tout vent. Dissolution. Et puis laisser passer l'orage, ce n'est pas la méthode la plus sage. Mais le mieux quand on est malade est de soigner le mal par le mal. Ceci est un cri d'amour pour toutes les victimes au cœur lourd, délaissées. Comme c'est un cri de haine en vain, une complainte pour des assassins libérés. Pensez que dans le cœur de vos enfants coule une rivière de larmes et de sang. Alors pour la sortir de son lit, priez pour eux. Je suis maudit.